On voyage. Mania, on fera ce que t'as pas, alors on voyage. Bah les couilles que tu nous aimes pas, alors on voyage. On découpe la détail, taille, taille, taille, taille, on voyage. On sera là avant toi au virage, alors on voyage. J'ai fait mes sous, j'ai galéré au bac. Terre à sa total ND, je vais t'oublier, regarde. Baba, baba, je regarde la montre, c'est trop tard. Quand les loups ressortent, t'as la lune qui se fait rare. Sous un bout ça pour se cacher une arme. Sous un regard pour se cacher un gramme. Sous un ça pour se cacher un drame. Alhamdoulilah, le cœur qui bat le monde en kilogramme. T'es bonne, j'ai péré, j'ai vu le monde comme Chico. J'ai pas le sourire, mais levé sur le tricot. NDDD, on attend l'album de platine en Mexico. Le game on chien, c'est plus qu'ils font les sauvages. Au quartier le ballon, mais ils ont pas mis la cage. Je sens piquer comme la cagoule dans le virage. A travers la lune, un vaillant sort un visage. La plate, on ramène tout le partage, alors on voyage. Le poids du monde à travers les nuages, alors on voyage. Tu fais ta peine à travers le grillage, alors on voyage. NDDD, on voyage. Mania, on fera ce que t'as pas, alors on voyage. Bah les couilles que tu nous aimes pas, alors on voyage. On découpe la détail, taille, taille, taille, taille, on voyage. On sera là avant toi au virage, alors on voyage. Mania, on fera ce que t'as pas, alors on voyage. Bah les couilles que tu nous aimes pas, alors on voyage. On découpe la détail, taille, taille, taille, taille, on voyage. On sera là avant toi au virage, alors on voyage. Je sens sur les toits devant la porte de Benga. On va percer, on va crier Rebenga. Ga, ga, ga, besoin que de la F, ça sert à quoi t'es Benga. Ga, ga, ga, besoin que de la F, ça sert à quoi t'es Benga. Ga, ga, ga, besoin que de la F, ça sert à quoi t'es Benga. Garde un œil dans l'escalier, le chic qui fait des bulles. Tu laisseras parler le sang, le vaillant sur le pull. Je vais t'épandre des soldats dans la cellule. Mani, on prend le game, c'est pour comment t'encule. J'suis comme ce berger qui connaît bien le quartier. On atteint les murs, un million sur un billet. T'es ya, ya, ya. Mani, total ND, tout ça, faut pas le nier. Voyage. La plate, on ramène tout le partage, alors on voyage. Le poids du monde à travers les nuages, alors on voyage. Tu fais ta peine à travers le grillage, alors on voyage. NDDD, on voyage. Mani, on fera ce que t'as pas, alors on voyage. Bah les couilles que tu nous aimes pas, alors on voyage. On découpe la détail, taille, taille, taille, taille, on voyage. On sera là avant toi au virage, alors on voyage. Mani, on fera ce que t'as pas, alors on voyage. Bah les couilles que tu nous aimes pas, alors on voyage. On découpe la détail, taille, taille, taille, taille, on voyage. On sera là avant toi au virage.